Oui, je m'appelle Joël, je fais partie de ATTAC. Alors, vous connaissez ATTAC, précisément ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. C'est-à-dire, le point de départ d'il y a 15 ans, hein, c'est vraiment empêcher que le capitalisme financier établisse la dictature qu'il a établie par des tas de techniques de mondialisation, d'informatisation. Mais notre objectif, c'est aussi de développer la prise en main démocratique par les citoyens. Hein. Donc, voilà. Nous servons beaucoup de trait d'union entre différentes structures, parce que ATTAC elle-même, vous ne le savez peut-être pas, est une alliance entre des structures assez diverses. Par exemple, il y a le syndicat CGT des impôts, qui ont évidemment une expertise sur la question financière,